sens interdit. On s'arrête pas en face de barrage, on s'est cru tout faire. Mais quand c'est le feu rouge, pour moi c'est le feu vert. Accélère, accélère. On est que le sens interdit, on s'arrête pas en force de barrage, on s'est cru tout faire. Mais quand c'est le feu rouge, pour moi c'est le feu vert. Accélère. J'arrive encore au B, genre ballon d'or comme caca. Air Max sur un trottoir couvert de crachats. On peut pas tout acheter quand les billets sont achetés. J'contrôle mon destin comme cowboy sur le GP. Des avions russes me disent I never try a black man. J'compare les pleurs d'une femme au sanglot du shaitan. La maison d'un reine nous enferme, la cellule donne la jura. Ouais, reine nous arrête comme cross bitume au troca. Ouais, ça braque, ça deal et tout ça pour s'enrichir. Tout le monde m'a déçu, respecte mon Glock à chérir. Faut le plomber l'obscur, témoin de la défaite. Ouais, la moitié d'un poteau, c'est la moitié d'un trait. C'est une banger crew, les pitbulls sont de sortie. Trop d'alcool, trop speed, t'étonnes pas si ça réagit. 9-3 sur le torse, comme le S à Clark Kent. De très loin, t'observes mon ghetto, comme les étoiles dans le ciel. On est que l'essence interdit, on s'arrête pas en face de barrage, on s'est cru tout faire. Mais quand c'est le feu rouge, pour moi c'est le feu vert. Accélère, accélère. On est que l'essence interdit, on s'arrête pas en force de barrage, on s'est cru tout faire. Mais quand c'est le feu rouge, pour moi c'est le feu vert. Accélère. On s'entend plus, c'est le bruit du moteur qui t'écrase, t'écrase. Nous c'est la génération T-Max, T-Max. C'est le général en mode Furax, Furax. Pas le temps de plaisanter. On s'entend plus, c'est le bruit du moteur qui t'écrase, t'écrase. C'est nous la génération T-Max, T-Max. C'est le général en mode Furax, Furax. J'suis là pour représenter. Nous c'est 9-3 cassos, toujours pied au plancher. On a plié la plaque, les radars peuvent nous flasher. On accélère et tout s'efface du rétro. Les contrôles se multiplient même dans les airs de repos. Rien à battre, même au volant rabat. Tu peux connaître qui tu veux. Les noms c'est pas des gilets pare-balles. Quand on rentre quelque part avec un flingue, c'est mains en l'air, tout le monde à terre. Ça prend le gérant au fond du zingue. Pèse l'appareil judiciaire. Parce qu'une fois dans le box, la dame en noir m'a l'air d'une sorcière. La vie n'est qu'une pute, putain de parole grossière. Faut lui mentir un peu si tu veux la prendre en levrette. Yeah. On est que l'essence interdit, on s'arrête pas en face de barrage, on s'est cru tout faire. Mais quand c'est le feu rouge, pour moi c'est le feu vert. Accélère, accélère. On est que l'essence interdit, on s'arrête pas en face de barrage, on s'est cru tout faire. Mais quand c'est le feu rouge, pour moi c'est le feu vert. Accélère. On s'entend plus, c'est le bruit du moteur qui t'écrase, t'écrase. Nous c'est la génération T-Max, T-Max. C'est le général en mode Furax, Furax. Pas le temps de plaisanter. On s'entend plus, c'est le bruit du moteur qui t'écrase, t'écrase. C'est nous la génération T-Max, T-Max. C'est le général en mode Furax, Furax. J'suis là pour représenter. Là pour représenter. Je suis là pour représenter. Je suis là pour représenter. La représentation. La représentation. Je suis là pour représenter.